J'ai un truc sur toi. Where's the pain of the not to say tomorrow, eh? Manque un truc. Là, j'entends plus la batterie. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe?